Dieu veut bien, j'attendrai jusqu'à l'aura que la terre reverdisse passionnément, qu'il passe sur le chemin ensoleillé, grandiose en son sillage de gloire. Sur la terre, fusion et effusion, les bras levés, pointant l'aurore, des rires et des applaudissements, encore et encore. Toute ma vie d'attente, pour le voir s'élancer. La lumière devant tous les yeux de la terre, sans maturer ses voiles, sont les mains de Dieu et le feu de l'amour embrase ses paupières. Que les ténèbres vaincues s'effacent devant la lumière. Que les ténèbres vaincues s'effacent devant la lumière.